cake. Baby, si tu me cherches, je suis sur le toit de la vie. Roof, pas la vie de luxe, mais j'oublie pas, moi je viens du pain. Oui. J'aime comment tu bouges, baby girl, do your dance. Check, check. On a la bambine, oui. J'ai les reins solides. Hey. Jamais le soleil, si je viens pas, il ne vient pas. Jamais. On s'envole sur un coup de tête, on revient pas. Où tu veux, quand tu veux, si tu veux. On a la bambine, j'ai les reins solides. Let's go. Ne touche pas, je suis pas ton ami. Jamais. Tu le sens, c'était sur la liste. Voilà. Plus belle, ça c'est ma chérie. Voilà. Sans qu'elle m'aime trop, elle veut plus me laisser. Bon, ça, hey. Ne touche pas, je suis pas ton ami. Jamais. Quand tu le sens, c'était sur la liste. Voilà. Plus belle, ça c'est ma chérie. Voilà. Sans qu'elle m'aime trop, elle veut plus me laisser. Okay. Sois ma longue vie, le reste, je m'en bats les couilles, j'achète. Oui. Regarde bling bling, j'aime sans la chaîne. Bitch. Money in the bank, la conseillère me dit thanks. Thank you. On a la bambine, yes. J'ai les reins solides. Let's go. Elle veut savoir ce que je fais dans la vie. Baby. Je fais danser, je fais du cash, ma jolie. Money. Je peux changer tout le game, ma jolie. Ben oui. Et mettre la couleur dans ma vie. Ok, let's kill. Me touche pas, je suis pas ton ami. Jamais. Tu le sens, c'était sur la liste. Voilà. La plus belle, ça c'est ma chérie. Voilà. Sans qu'elle m'aime, toi, elle veut plus me laisser. Oh, what's up, hey. Me touche pas, je suis pas ton ami. Jamais. Tu le sens, c'était sur la liste. Voilà. La plus belle, ça c'est ma chérie. Voilà. Sans qu'elle m'aime, toi, elle veut plus me laisser. Yeah. Baby, si tu me cherches, je suis sur le toit de la vie. Woo. Pas la vie de luxe, mais j'oublie pas, moi je viens du pain. Woo. J'aime comment tu bouges, baby girl, do your dance. Yeah. Oh là la bambine. Générique solide. Ok. Okay. Let's kill. Me touche pas, je suis pas ton ami. Jamais. Tu le sens, c'était sur la liste. Voilà. La plus belle, ça c'est ma chérie. Voilà. Sans qu'elle m'aime, toi, elle veut plus me laisser. Oh, what's up, hey. Me touche pas, je suis pas ton ami. Jamais. Tu le sens, c'était sur la liste. Voilà. La plus belle, ça c'est ma chérie. Voilà. Sans qu'elle m'aime, toi, elle veut plus me laisser.